L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif. Bête comme ses pieds. Oh. C'est toi qui es bête comme tes pieds. Les animaux ont aussi leur histoire, par Michel Pastoureau et Mathilde Wagman. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les animaux ont aussi leur histoire. Chaque dimanche à midi, nous vous proposons cet été de plonger au cœur du royaume animal. Michel Pastoureau, médiéviste et spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, nous conte les déboires à travers les siècles d'un animal célèbre et qu'il affectionne. Après le portrait de l'ours la semaine dernière, c'est d'un volatile dont il sera question aujourd'hui. Charognard, voleur, glouton, orgueilleux, hypocrite, il est paré de toutes les tares, associé à toutes les inquiétudes. Est-ce en raison de la couleur de ses plumes, noires comme le jais, qu'il rôde autour des cimetières, pille les champs ou se fasse dénonciateur anonyme? C'est en tout cas presque toujours sous les traits d'un oiseau de malheur qu'il est évoqué. Aujourd'hui, portrait du corbeau. Seigneur, quand froid est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus sur la nature des fleuries. Faites s'abattre des grands cieux les chers corbeaux délicieux, les chers corbeaux délicieux. Armée étrange aux cris sévères, les vents froids. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Dans cette interprétation par Léo Ferré du poème d'Arthur Rimbaud écrit après la défaite de 1870, on est frappé par l'atmosphère lugubre et funéraire hein, qui accompagne le poème. La mort, c'est le premier symbole auquel on pense, Michel Pastoureau, lorsqu'on évoque le corbeau. Oui, c'est un attribut de la mort, c'est un attribut de la nuit, c'est un attribut de l'enfer, et ça non seulement au XIXe siècle, mais tout au long de son histoire, ou presque. Alors, pourtant, si on remonte les siècles, si on va du côté de l'Antiquité, le corbeau est un animal plutôt valorisé dans les mythologies anciennes. On peut penser, par exemple, à la mythologie du dieu Louk. Qui est ce dieu Louk, plutôt méconnu en France ? C'est le principal dieu du panthéon celtique. C'est un dieu qui a plusieurs attributs, mais son attribut principal, c'est tantôt le corbeau, tantôt la corneille. D'ailleurs, pour l'histoire culturelle, la corneille, c'est la femelle du corbeau. Pour l'histoire naturelle, il en va autrement. Mais je suis de ceux qui pensent que l'histoire naturelle, c'est une forme d'histoire culturelle parmi d'autres. Donc, dans l'Antiquité, et probablement plus en amont encore, le corbeau est associé à de nombreuses divinités, et peut-être lui-même aussi une divinité, non seulement en Europe, mais surtout en Sibérie et dans le nord du continent américain. On a des traditions qui font du corbeau soit le maître du monde, soit le créateur du monde, en tout cas un oiseau extrêmement valorisé, qui sait tout, qui voit tout. On trouve cela encore dans la mythologie germano-scandinave, où le grand dieu Odin, lui aussi le chef du panthéon nordique, a pour attribut, parmi d'autres, deux corbeaux, Huginn et Mugin, selon les traditions. L'un, c'est l'intelligence, l'autre, c'est la mémoire. Ce sont deux corbeaux qui perchent sur ses épaules et qui, chaque jour, parcourent le monde pour rapporter à Odin ce qu'ils ont vu. Ce sont ses conseillers. Dans la longue durée, d'ailleurs, on peut penser que le corbeau, c'est l'oiseau et même l'animal qui connaît le mieux l'être humain. Il est toujours là, il est très proche, il observe. Vu par l'homme, on peut penser que c'est un des animaux qui nous connaît le mieux. Il a un côté omniscient dans ces mythologies. Dans ces mythologies, il est omniscient et dans les textes de nature presque zoologique ou encyclopédique de l'Antiquité, il est toujours présenté comme un animal extrêmement intelligent qui a beaucoup de qualités. Alors, il y a aussi des légendes sur son plumage noir. Dans la mythologie grecque, il y a celle d'Apollon, dont le corbeau est un des nombreux attributs. Apollon était amoureux de la nymphe Coronis, peut-être même son plus grand amour. Il était jaloux et il a demandé au corbeau, qui avait un plumage blanc à cette époque, de surveiller la dite Coronis. Mais le corbeau l'a mal fait et la nymphe a été séduite par un mortel et le dieu est entré dans une très très grande colère et pour punir le corbeau d'avoir mal rempli sa mission, il a changé son plumage blanc en plumage noir. C'est ce que racontent Ovide et d'autres auteurs grecs et romains. On entend en vous, Michel Pastoureau, l'historien des couleurs ici, le noir, couleur du corbeau, est-ce l'une des qualités qui font de lui un animal si déprécié au fil des siècles? Oui, en tout cas pour les périodes historiques et spécialement pour l'Europe chrétienne, ce noir est un noir péjoratif. Toutes les couleurs sont ambivalentes et le noir a ses bons et ses mauvais aspects. Quand même, les mauvais aspects l'emportent sur les bons. C'est la couleur de la mort, c'est la couleur des ténèbres, c'est la couleur du monde souterrain, c'est la couleur des enfers, c'est une couleur de mauvais augure. Et les animaux noirs sont des animaux dont on se méfie ou que l'on rejette. Et le corbeau qui est tout noir, c'est peur, bien sûr. D'autant qu'il y a corbeaux et corbeaux. Les nôtres, aujourd'hui, sont plutôt de petite taille, les corbeaux freux et les autres corvidés. Mais dans les sociétés anciennes, on avait affaire au grand corbeau, qui est devenu assez rare en Europe. Quelques exemples encore en pays de montagne ou dans des falaises de bord de mer. Mais le grand corbeau, c'est un animal énorme. J'en ai vu, moi, seulement dans des eaux, qui posait sur ses pattes peut atteindre 80 cm de haut, qui a une tête énorme et qui est entièrement noir, et d'un noir plus noir que noir, outre noir, dirait Soulages. Oui, jusqu'à son bec. Hein. Jusqu'à son bec, qui est d'un noir presque bleuté tellement il est noir. Alors Michel Pastoureau, si on en revient à l'Antiquité, vous avez cité Pline l'Ancien, un auteur très important et que l'on retrouvera tout au long de cette série consacrée aux animaux. Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, au premier siècle de notre ère, raconte une histoire censée s'être déroulée à l'époque de l'empereur Tibère. Elle met en scène un corbeau intelligent, doué de parole et qui salue les empereurs par leur nom. Le corbeau est tué par un habitant énervé, s'être fait crotter dessus. La population, par amour pour le corbeau, mais à mort, ce boutiquier mais rend aussi hommage au corbeau. C'est vraiment la mise en scène d'un animal vénéré dans cette histoire. C'est un retournement par rapport à l'image qu'on a de nos jours du corbeau. Oui, c'est une image très différente. Pline aime bien raconter des histoires et des anecdotes, notamment sur le passé de Rome et en général à la gloire de Rome. Il est très bavard sur le corbeau et très admiratif du corbeau, dont on sent qu'il fait l'oiseau le plus intelligent et peut-être l'animal le plus intelligent, qui sait tout, qui voit tout, qui s'apprivoise facilement, selon lui, qui est bavard et qui ne se mange pas. Et il nous rappelle que c'est un oiseau qui, comme beaucoup d'autres, se livre ou permet de se livrer à des pratiques divinatoires. On observe dans l'Antiquité romaine le vol des corbeaux. Les devins tracent un espace dans le ciel avec un bâton et observent comment les corbeaux se comportent dans cet espace qu'ils ont délimité, qu'ils appellent un temple. Ou bien on observe les cris du corbeau. Pline nous dit qu'on peut distinguer jusqu'à, j'ai oublié le nombre, une soixantaine d'intonations différentes. Donc on en tire un certain nombre de conclusions pour deviner le futur. Comme le coq, le corbeau est un oiseau qui est lié à la divination. Alors, valorisé plutôt dans l'Antiquité, Pline loue son intelligence, nous dites-vous, Michel Pastoureau. Comment comprendre la dévalorisation qui s'opère par la suite et à quand remonte-t-elle? Alors, la dévalorisation est vraiment le fait du christianisme, et avant le christianisme, du texte biblique de la Genèse. Le corbeau est le deuxième animal mentionné par la Bible après le serpent tentateur. Il y a le fameux épisode du déluge. L'arche vogue sur les eaux avec deux animaux de chaque espèce. Puis les affaires se calment. Noé lâche le corbeau pour lui demander d'aller voir si les eaux du déluge se sont retirées. Et le corbeau, au lieu de revenir dans l'arche, confirmer que les eaux se sont apaisées en tout cas, il se complaît à manger des charognes, il s'attarde, il ne revient pas, fureur de Noé qui, à sa place, va lâcher la colombe, donc l'oiseau noir contre l'oiseau blanc, en quelque sorte, déjà un couple de contraires, et... Cet épisode, qui donne le mauvais rôle au corbeau, va avoir une importance considérable pour dévaloriser l'animal, qui en plus est handicapé, bien sûr, par son pelage noir et par la méfiance que les traditions chrétiennes ont envers cette couleur. Oui, pour le christianisme, par la suite, le corbeau se met à incarner le pécheur noirci par la boue de ses fautes. Hein. Là encore, on retrouve... Le rôle du noir, le noir, c'est le noir du péché. C'est le noir du péché, c'est le noir des ténèbres de l'enfer, c'est le noir du monde souterrain et de la mort. Il y a aussi un bon noir dans les systèmes de valeurs chrétiens, le noir de la tempérance, le noir de l'humilité, le noir de l'habit monastique bénédictin, bien sûr, mais les mauvais aspects sont quand même plus fréquemment mis en avant que les bons aspects, notamment par les pères de l'Église qui sont bavards sur les animaux et qui aiment bien souligner les aspects négatifs, à commencer par saint Augustin, qui semble avoir, à titre personnel, une méfiance ou une peur envers les animaux. Et contre le corbeau, il est particulièrement sévère. Oui, dans l'un de ses textes, hein, Michel Pastoureau, saint Augustin croit entendre dans le croissement du corbeau les mots « crasse, crasse », c'est-à-dire « demain ». Demain, partant de là, il établit toute une imagerie autour d'un corbeau procrastineur. C'est cela. Il voit dans cet adverbe, crasse, crasse, demain, demain, l'idée que l'homme pécheur, qui doit se confesser pour se repentir, reporte à demain sa confession. C'est l'homme qui préfère attendre. C'est évidemment un peu tiré par les cheveux, mais Augustin et les pères de l'Église en général sont coutumiers du fait dans leur glose autour de tels vocables latins. Il est assez ennemi des animaux en général, et du corbeau, oiseau noir en particulier. Tous ne pensent pas comme lui. Certains pères de l'Église, plus récents, voient dans le corbeau l'image du moine, vêtu de noir à partir du IXe siècle, ou du prédicateur, parfois même de l'évêque, non seulement en raison de l'habit, mais également parce que c'est un oiseau bavard, et donc un oiseau prêcheur, en quelque sorte. On constate, Michel Pastoureau, au Moyen-Âge, une lutte en fait de l'Église chrétienne malgré ces quelques valorisations, une lutte de l'Église pour casser une vénération du corbeau. C'est un mouvement qu'on a évoqué aussi pour l'ours, qui est assez commun. Et de la même manière, l'Église fait du corbeau un attribut du diable. Oui, on retrouve dans la lutte de l'Église contre le corbeau, ce qu'on a évoqué à propos de l'ours, à savoir que, en plein Moyen-Âge chrétien, il subsiste ici ou là, dans le monde germanique et scandinave, des cultes païens envers cet oiseau, qui était un oiseau sacré aux époques primitives, et qui fait encore l'objet d'admiration. Alors ce n'est pas exactement de la même façon que pour l'ours, on ne boit pas de sang de corbeau, on ne se déguise pas en corbeau, mais on prend un nom qui évoque celui du corbeau, et c'est frappant de voir que dans l'anthroponymie et aussi dans la toponymie, le corbeau est très très présent dans le monde germanique. Et puis, on invoque cet animal protecteur sous forme de bannière, sous forme d'emblèmes divers installés au sommet d'une perche sur la broderie de Bayeux, par exemple. On voit que les Saxons, donc qui sont d'origine germanique, ont encore un emblème qui prend la forme d'un corbeau qu'ils conduisent au combat et sous la protection duquel ils combattent. C'est un héritage de l'époque païenne. Nous sommes à la fin du XIe siècle. siècle en terre chrétienne, mais le corbeau est encore présent. Donc l'Église doit lutter contre ces pratiques qui lui semblent relever de l'idolâtrie et du paganisme. Un témoignage intéressant que j'ai trouvé est un petit peu plus précoce. Nous sommes au 8e siècle et des missionnaires vont en Germanie évangéliser et constatent que les païens ont des pratiques très nombreuses de type cultuel pour honorer tel ou tel animal, notamment alimentaire. Et alors, ils écrivent au pape pour dire « Ces Germains mangent des choses épouvantables, on ne peut pas tout interdire, on ne peut pas frapper trop fort d'un coup, qu'est-ce qui est prioritaire ?» Et le pape leur répond « Surtout pas de corbeau, c'est la priorité absolue, c'est l'animal le plus païen des animaux païens. » Donc, ne pas manger de corbeau, pour différentes raisons, son plumage noir, mais surtout ses mœurs charognards. Le corbeau aime se nourrir de cadavres, et notamment de cadavres humains. Les bestiaires médiévaux racontent comment le corbeau commence par manger les yeux afin de mieux accéder à la cervelle, qui est pour lui le mets le plus délicat. Chose donc vraiment épouvantable pour les clercs. Rien que cela, ça en fait un animal totalement diabolique. Chose tout à fait légendaire, par ailleurs. Dans la réalité, le corbeau s'attaque-t-il réellement à nos yeux ? Non, je ne crois pas. En tout cas, les problèmes ne se posent pas de cette façon-là. Et je crois que c'est une certaine histoire positiviste qui cherche dans les traditions symboliques des explications d'ordre naturel ou proprement zoologique. Aujourd'hui, l'historien du symbole ne peut pas raisonner comme cela. L'imaginaire, c'est une réalité, ça existe, ça fait partie de la réalité. On ne peut pas étudier une société donnée sans étudier aussi ses croyances, ses superstitions, ses traditions, son imaginaire. Et donc l'imaginaire n'est pas le contraire de la réalité, c'est une réalité. Alors dans votre livre consacré aux bestiaires du Moyen-Âge, vous citez à propos de cet imaginaire du corbeau un texte de Richard de Fournival, un auteur du XIIIe siècle. Lui ne voit pas dans le corbeau une incarnation du démon, mais une image de l'amour, toutefois une image assez perfide. Je vous lis l'extrait du texte. « Le corbeau possède une autre nature qui, plus que tout autre, ressemble à la nature de l'amour. Cette nature veut que lorsqu'il trouve un homme mort, la première chose qu'il mange de lui, ce sont les yeux. Par là, il en extrait la cervelle, et plus il y en a, plus il en prend. Ainsi, il en va de l'amour. Dès la première rencontre, l'homme est pris par les yeux, et jamais l'amour ne se serait emparé de lui si l'homme n'avait pas regardé la dame. » On a l'impression au départ, en lisant ce texte, qu'il va s'agir d'une description amicale pour le corbeau. Ce n'est pas le cas. Oui, Richard de Fournival, un auteur du milieu du XIIIe siècle, nous a laissé un bestiaire d'amour où il associe le comportement animal et le comportement amoureux. Et alors, c'est un peu toujours pareil. Ça commence bien et ça finit toujours mal parce que Richard de Fournival souligne soit la perfidie, soit la cruauté des dames qui font semblant de répondre à la démarche amoureuse de l'homme et puis finalement n'y répondent pas ou trahissent ou se comportent d'une manière qui déçoit l'amant et le poète. C'est un auteur important qui écrit un ancien français absolument magnifique et qui est un clerc bibliophile dont la bibliothèque constitue le noyau primitif de la bibliothèque de la Sorbonne, parce qu'il a donné ses livres à quelqu'un qui les a donnés au collège de Sorbonne à Paris. Donc c'est un personnage, pour l'universitaire que je suis, extrêmement important. Alors Michel Pastoureau, c'est aussi au Moyen-Âge qu'apparaît un sens très usité aujourd'hui du mot corbeau, le sens de dénonciateur. D'où vient cette expression ? Il vient du monde de la vénerie. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais l'auteur de lettres anonymes, le dénonciateur, par téléphone ou par d'autres moyens, c'est quelque chose qui remonte très haut, en fait. Il faut remonter jusqu'au cœur du Moyen-Âge et à la chasse au renard. On chasse le renard, un animal que l'on ne mange pas, ce qui prouve bien que la chasse, c'est un rituel avant d'être quête de nourriture. Et quand les veneurs à cheval poursuivent le renard et qu'ils ont perdu sa trace, ils n'ont qu'à lever les yeux parce que le corbeau, ami du renard, ami entre guillemets, a tendance à suivre la chasse dans les airs. Et alors, lui sait où se trouve le renard et les veneurs lèvent les yeux, se repèrent sur le corbeau qui, malgré lui, ou peut-être le fait-il exprès, en tout cas, dénonce l'emplacement où s'est caché le renard, d'où ce sens figuré qui apparaît en moyen français dans la langue des 14e et 15e siècles. C'est un sens figuré, corbeau égale dénonciateur, et c'est un sens qui est resté et qui a connu une vogue au 19e et 20e siècle, d'abord dans la littérature, puis au cinéma. Oui, notamment dans le film d'Henri-Georges Clouzot, je crois. Le Corbeau, oui, un film tourné pendant la guerre et qui, à sa sortie, a fait scandale parce que il montrait les Français sous l'occupation, sous un jour qui n'était pas très honorable. Alors, Michel Pastoureau, après le Moyen-Âge, il semble que l'Église ait réussi son coup, si je puis dire, parce que le corbeau est un animal assez déprécié. On ne peut pas, dans cette émission consacrée au corbeau, ne pas évoquer, bien sûr, la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Et le corbeau, dans cette fable, est tout à fait ridicule. Oui, c'est une fable qui vient de loin. C'est peut-être même la plus ancienne fable connue en Europe. Elle a des origines orientales, mais on en connaît des versions grecques, des versions romaines, des versions médiévales, et à chaque fois, le corbeau a le mauvais rôle. Alors évidemment, c'est la version de La Fontaine qui est la plus connue, et c'est assez étonnant parce que tous les auteurs anciens soulignent l'intelligence du corbeau, et dans cette fable, il a un comportement stupide. Il est flatté par le renard, et vaniteux, il ouvre le bec pour parler et chanter, peut-être, et il laisse tomber le fromage. C'est en quelque sorte une soupape. L'histoire symbolique est faite comme cela, de domaines où on doit créer une soupape quand un animal est trop intelligent comme le corbeau, il faut mettre en scène quelques épisodes où il n'est pas intelligent pour que le système symbolique fonctionne bien. En outre, c'est une fable qui s'organise autour de trois couleurs les plus importantes sur le plan symbolique et les plus anciennes aussi, le blanc, le rouge, le noir. On a un oiseau noir, le corbeau, qui tient dans son bec un fromage blanc et que guette en bas un animal rouge, le renard. Donc on a une circulation entre les trois couleurs. De même que, je ne sais pas, dans Blanche-Neige, par exemple, on a une jeune fille blanche comme la neige qui reçoit d'une sorcière ou d'une méchante femme vêtue de noir une pomme empoisonnée rouge. Ou dans Le Petit Chaperon Rouge, on a une petite fille vêtue de rouge qui porte un petit pot de beurre blanc à une grand-mère ou à un loup noir. On a cette triade de couleurs dans les contes et dans les fables qui est omniprésente. On reviendra d'ailleurs sur la dimension rouge, la rousseur du renard dans une émission prochainement consacrée à cet animal-ci. Revenons au corbeau. À l'époque moderne, on tue énormément de corbeaux pour lutter contre le pillage des graines. Souvenons-nous par exemple qu'en anglais, un épouvantail, ça s'appelle un scarecrow, c'est-à-dire un objet destiné littéralement à faire peur aux corbeaux. Au corbeau et au corvidé, puisque crow en anglais désigne soit l'ensemble des corvidés, soit la corneille proprement dite, le corbeau, le grand corbeau étant raven, rabe en allemand. Donc, dans la vie des campagnes de l'Europe moderne et de l'Europe contemporaine, on tue énormément de corbeaux, à la fois avec l'idée qu'ils nuisent aux récoltes, qu'ils mangent les grains, qu'il trouble la vie des campagnes, et puis l'idée qu'ils portent malheur avec leur plumage noir, qu'ils sont voleurs, charognards, ennemis non seulement de l'Église, mais aussi des paysans. Et on en tue un très grand nombre jusque dans les années 50. Moi, j'ai vu dans les campagnes de l'ouest de la France des enfants ou des adolescents recevant leur première carabine à plomb s'amuser à tirer sur des corbeaux pour les blesser ou pour les tuer. C'est un comportement lamentable, mais qui a été encouragé pendant des siècles. Vous avez évoqué, Michel Pastoureau, dans cette description, la dimension superstitieuse attachée souvent au corbeau. C'est aussi un oiseau de malheur, un oiseau de mauvais augure. Rencontrer un corbeau dans de nombreuses campagnes de l'Europe occidentale est interprété comme quelque chose qui ne va pas porter bonheur. Alors ça dépend du moment de la journée, ça dépend du moment de l'année, les explications varient d'un terroir à l'autre, mais c'est toujours pris en mauvaise part. C'est un oiseau de mauvais augure, et même si on ne le voit pas, mais si on l'entend seulement, son cri est de mauvais augure. Et pire que tout, c'est quand il y a dans le ciel des combats de corbeaux, les corbeaux entre eux, selon l'expression, se combattent. Alors ça, c'est signe de grandes calamités qui vont arriver. On en a des témoignages déjà chez Pline, on en a chez certains auteurs du Moyen-Âge, et c'est une tradition qui a perduré. Moi, je la connais pour la Normandie de mon enfance, dans les années 50 et 60. Quand les corbeaux se battent, de grands malheurs vont arriver. Michel Pastoureau, à l'époque contemporaine, récemment, on redécouvre le caractère extraordinairement intelligent de cet animal. Oui, on redécouvre quelque chose que l'Antiquité connaissait. Le corbeau est le plus intelligent de tous les oiseaux. Pline le dit déjà, et d'autres auteurs, mais probablement peut-on dire aujourd'hui qu'il est aussi le plus intelligent de tous les animaux. Toutes les expériences récentes sur l'intelligence animale montrent qu'il est au niveau des grands singes, en quelque sorte. Et je pense que cela va continuer. Le corbeau sait faire des choses qu'aucun autre animal ne sait faire, mis à part peut-être les chimpanzés et quelques autres grands singes. Par exemple, une porte est fermée à clé, il y a de la nourriture derrière la porte. Eh bien, non pas le corbeau, mais les corbeaux, parce qu'ils se mettent à plusieurs, ont cherché un bout de fil de fer qu'ils ont trouvé ici ou là, essayent de crocheter la serrure, n'y arrivent pas, réessayent, regardent comment est le fil de fer, le tordent avec leur bec, recommencent, et puis recommencent encore, réfléchissent ensemble et recommencent, et finissent par ouvrir la serrure et aller chercher la nourriture. Donc ils sont capables d'observer et de déduire et de fabriquer. Également, j'ai vu des émissions de la BBC montrant que les corbeaux pratiquent ce qu'on pourrait appeler l'humour. Ils se moquent des autres oiseaux. D'ailleurs, il faut souligner, on ne l'a pas dit, mais tous les oiseaux ont peur des corbeaux. Certains rapaces ont peur des corbeaux. Ils pratiquent l'humour en ce sens qu'ils cachent de la nourriture, ou plutôt ils font semblant de cacher de la nourriture, puis ils vont se mettre à l'abri, et ils observent les autres oiseaux qui viennent chercher la nourriture, et qui ne trouvent rien, et on a l'impression qu'ils se moquent d'eux, qu'ils rient ensemble de la blague qu'ils ont faite. Alors évidemment, cela a ses limites, c'est-à-dire que c'est l'homme qui organise des expériences, c'est l'homme qui observe comment se comportent les corbeaux, et c'est l'homme qui en tire les conclusions. Qu'est-ce que ça nous apprend vraiment sur le comportement animal? On peut se poser la question. Mais enfin, il semble bien quand même que, au sein du monde animal, cet oiseau est supérieurement intelligent. Comme bien souvent dans le monde, il y avait une fois deux corbeaux. L'un avait une queue très longue et l'autre avait le cul courteau. Si celui qui avait la queue courte l'avait eu longue cependant, mon histoire eût été plus longue, j'aurais parlé longuement. Merci Michel Pastoureau. J'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait que vous travaillez en ce moment à un ouvrage sur le corbeau, ouvrage dont la date de parution n'est pas encore fixée mais qu'il nous faudra guetter en librairie. Je les renvoie également à votre livre sur les bestiaires du Moyen-Âge ainsi qu'à votre noir Histoire d'une couleur, tous deux parus aux éditions du Seuil. Toutes les références bibliographiques et musicales de cette émission se trouveront sur son site internet www.franceculture.fr. Vous pourrez aussi réécouter cette émission en ligne pendant 3 ans ou vous abonner à son podcast pour pouvoir en télécharger tous les épisodes. Les animaux ont aussi leur histoire. Une émission de Mathilde Wagman réalisée par Anne Franchini, préparée avec la collaboration de Romain Couturier et Antoine Vuillose, avec aujourd'hui à la technique Philippe Palares. Nous retrouverons Michel Pastoureau dimanche prochain à la même heure. et c'est de la baleine dont il sera question la semaine prochaine. Je ne m'étendrai pas longuement.